comprendre la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette troisième émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine. Aujourd'hui, on va plonger plus rapidement dans notre récit qui porte sur l'histoire de la Chine. Les bases méthodologiques dont on avait besoin ont été posées au cours des dernières semaines. Alors aujourd'hui, notre cours d'histoire va pouvoir progresser de manière beaucoup plus satisfaisante. Il serait par ailleurs tout à fait normal, à ce stade-ci du cours, d'avoir eu l'impression que ça n'avançait pas très vite en classe. D'abord, rappelons-le, on l'a dit depuis le début, c'est à dos de tortue que notre histoire va se raconter. Donc, il faut s'attendre à une certaine lenteur dans le propos. Je vous ai dit la semaine dernière qu'on parlerait de la signification du titre choisi, l'histoire de Chine à dos de tortue, mais pour le moment, disons tout simplement que la tortue est un animal qui n'avance pas très rapidement, et c'est ce que nous ferons. La lenteur de l'introduction des deux dernières semaines s'explique d'abord parce qu'il fallait prendre le temps de faire quelques précisions méthodologiques afin de bien situer les attentes. J'ai parlé de mon rapport à Google la semaine dernière, mais nous reviendrons aussi lors d'une prochaine semaine sur le sujet des applications d'intelligence artificielle qui offre un autre type de modélisation des connaissances, un type de modélisation, on l'a entendu précédemment, qui préoccupe le milieu de l'éducation. Les modèles d'intelligence artificielle vont considérablement changer notre rapport au savoir, mais nous y reviendrons une autre fois pour en discuter. D'ici là, on peut se consacrer aujourd'hui à l'essentiel de notre propos, qui est l'histoire de la Chine. D'ailleurs, je voudrais rappeler à celles et ceux qui auraient manqué un épisode précédent que tous nos épisodes sont archivés à chaque semaine sur un site qui se nomme Internet Archive, et ce, pour le bénéfice du plus grand nombre. Pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai décidé d'ajouter un thème général. C'est un thème qui va permettre de situer mon propos, mais aussi c'est un thème qui va permettre de lier ensemble les différentes pièces musicales que je vous ferai entendre au cours de notre rencontre. J'ai choisi comme premier thème de nos émissions le thème de l'enfance. Ça me paraît aller de soi puisque c'est le commencement de la vie. Et comme nous sommes encore au tout début de l'histoire de la Chine, que nous sommes au commencement des premiers peuplements, ce commencement de la vie représenté par l'enfance s'imposait. Parler des enfants en Chine, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, c'est impossible de le faire sans parler de l'évolution récente des politiques démographiques. Depuis l'établissement de la politique de l'enfant unique en 1979, politique qui a récemment été abolie en 2015, mais dont les répercussions ont été colossales au fil du temps. Les effets négatifs de cette politique ont été nombreux, incluant le déséquilibre des sexes, le renversement de la pyramide des âges et la question des enfants fantômes dont le statut tarde encore à se normaliser. Ce sont là quelques-uns des enjeux et des effets négatifs de la politique qui ont amené le gouvernement à vouloir éliminer cette loi en 2015 et à tenter de la remplacer par des incitatifs visant à encourager la natalité. Par contre, les effets de ces incitatifs semblent limités et le recul, pour ne pas dire le déclin démographique, semble bien réel en Chine. Tout porte à croire que de nombreux jeunes sont ailleurs et ne répondent pas à l'appel de ces incitatifs visant à encourager la natalité. Ils ne veulent pas nécessairement fonder de famille et ce pour diverses raisons. Des raisons qui sont parfois liées au coût de la vie ou encore à des choix de carrière différents. Nous allons revenir en d'autres temps sur les préoccupations de la jeunesse chinoise. Jeunesse chinoise contemporaine qui sera l'objet d'une autre émission. Pour le moment, nous avons un cours d'histoire à débuter aujourd'hui et surtout, il serait le temps de faire vibrer quelques notes de musique. Alors, comme première chanson de la journée, puisqu'on part avec le thème de l'enfance, j'ai choisi une chanson dont le titre contient certainement l'expression que les jeunes enfants chinois ont le plus entendue au cours de leur existence en tant qu'enfants. « Oh, guai, ting hua guai. » C'est une chanson de Tou Wei, une des figures de proue de la musique chinoise contemporaine. La chanson que je vous fais entendre est tirée d'un album parmi les plus influents du rock'n'roll chinois au milieu des années 1990. Tou Wei aborde dans cette chanson à la fois le thème de l'éducation des enfants, les valeurs qu'on voudrait porter, ainsi que les difficultés de communication qui existent parfois entre les parents et les enfants, entre les différentes générations. Vous allez reconnaître dans cette chanson des termes familiers comme « papa »,« maman », mais vous pouvez y ajouter aussi « Ao Guai », le titre de cette chanson de Tou Wei. Mama, Vous êtes à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone. On vient tout juste d'entendre une chanson de To Wei et nous sommes prêts à reprendre le récit de notre histoire de la Chine. Le thème de l'enfance, comme j'ai mentionné, le thème que j'ai choisi pour aujourd'hui, lorsqu'on l'applique à l'histoire, ça devient le thème des origines. Alors, commençons par le commencement. La semaine dernière, on a présenté quelques mythes fondateurs. On a parlé de Pangu, on a parlé de l'archer Yi, et c'est ici, à partir de ce point, qu'on reprend aujourd'hui. Donc, je disais que pendant longtemps, en fait, c'est jusqu'au début du 20e siècle, tout ce qu'on connaissait sur les origines de la civilisation chinoise se limitait à ce que nous disaient les textes fondateurs de cette même civilisation. Les textes classiques et les innombrables commentaires qu'ils ont suscités à travers l'histoire ont produit au fil du temps un récit sur les origines dans lequel il peut parfois être difficile de départager le vrai du faux, distinguer ce qu'on pourrait appeler le réel du « on dit », le « il paraît que », bref, départager la part du mythe et de l'histoire. Pendant des siècles, voire pendant des millénaires, tous ceux qui s'intéressaient à la question de comprendre les origines de la civilisation chinoise dépendaient uniquement de ces témoignages. Des témoignages qui ont été écrits bien des siècles plus tard et qui contenaient évidemment des déformations sur les événements qu'ils relataient. Cette dépendance que nous avions à l'égard des témoignages écrits imprécis a eu d'importantes conséquences à travers l'histoire, sur notamment la manière dont s'est construite une représentation particulière de la Chine et de son histoire. En fait, à mon sens, cette dépendance à l'égard des sources écrites a contribué à la consolidation de deux stéréotypes très forts, des stéréotypes qui se sont lentement construits à travers les âges par un effet d'accumulation et de croyance, stéréotypes qui ont eu des répercussions sur toutes les connaissances que nous avions à l'égard de l'histoire de la Chine. Comme premier stéréotype, on retrouve dans certains textes classiques de la Chine la croyance en une filiation directe, une filiation quasi divine entre les héros mythiques, les dynasties légendaires et le début de l'histoire politique à proprement parler. Cette filiation qu'on retrouve entre les divinités et l'humanité, par l'intermédiaire de figures politiques monumentales, cette filiation, je disais, elle tient par exemple dans la formule des trois augustes et des cinq empereurs. Une formule qui se retrouve à l'origine de ce qu'on voyait comme le commencement de l'histoire. Ces trois augustes et ces cinq empereurs sont en fait des personnages plus grands que nature, auxquels on attribuait la création et la fondation du monde, la création des principales institutions humaines, incluant l'administration, le mariage, le calendrier, la métallurgie, l'élevage, la pêche, l'agriculture, l'acupuncture, et ainsi de suite. Ceux qu'on appelle les trois augustes sont Fuxi, Nüwa et Shennong, et les cinq empereurs sont Huangdi, Chuanxu, Ku, Yao et Shun. On se rappelle de Nüwa, nous en avons parlé la semaine dernière dans le récit sur la création de l'humanité. Ajoutons à ce récit le fait que Fuxi et Nüwa, les deux premiers parmi les trois augustes que nous venons de mentionner, sont régulièrement représentés comme un couple primordial duquel dépendait un certain équilibre du monde. On peut ajouter aussi le fait que Fuxi et Nüwa sont régulièrement représentés avec le bas de leur corps en forme de serpent qui s'entrelace, ce qui ne laisse aucun doute sur la nature des récits qu'on peut trouver qui en font mention. Selon les traditions écrites, ces huit souverains primordiaux auraient été suivis par Hu le Grand, fondateur de la dynastie Xia au troisième millénaire avant notre ère. Selon les textes, La dynastie Xia dura environ entre 2207 et 1765 avant notre ère. Après la dynastie Xia, on retrouve une deuxième dynastie appelée la dynastie Shang, qu'on nomme aussi parfois la dynastie Yin, allant de 1765 à 1122. Puis pour finir, on retrouve la dynastie des Zhou qui dura de 1122 à 256, toujours avant notre ère. Ces trois premières dynasties sont communément appelées les dynasties légendaires en raison du fort degré d'incertitude et d'imprécision factuelle qu'on retrouve au sujet de nombreux événements qui se rattachent à celles-ci. À cet égard, encore aujourd'hui, de nombreux spécialistes ne s'entendent pas sur la précision des dates pour la plupart des événements qui sont rattachés à ces périodes formatrices de la civilisation chinoise. Mis à part cette croyance en une filiation directe entre les héros mythiques et les institutions humaines, le deuxième stéréotype auquel l'accumulation et le monopole des sources écrites nous confrontent est ce que j'appelle le grand récit de la fleur centrale, Zhonghua. C'est un récit auquel sont associés de nombreux concepts fondateurs et essentiels pour comprendre l'histoire de la Chine. Par exemple, on retrouve le concept de Zhongyuan, qui signifie la plaine centrale. C'est un concept qui désigne de manière géographique le lieu qu'on dit d'origine de la civilisation chinoise. On retrouve aussi dans ce récit de la fleur centrale le concept Huaxia, qu'on traduit parfois par efflorescence, un concept qui peut désigner cette fois autant l'étendue de la civilisation que le processus de diffusion de cette même civilisation. Le récit de la fleur centrale contient bien sûr d'autres concepts, dont un avec lequel on est tous familiers, soit le concept de Chungguo, qu'on traduit souvent par « le pays du milieu » ou « l'empire du milieu ». Cette zone centrale, qui est associée à un foyer d'émergence culturelle, est un lieu qui se situe dans le nord de la Chine, pas très loin des rives du fleuve Jaune, dans la vallée de la rivière Wei. C'est un lieu qui est situé au nord de la Chine, et qui correspond effectivement à l'un des premiers foyers de peuplement de la civilisation chinoise. La difficulté que nous avons avec le récit de la fleur centrale est tout simplement que ce foyer d'origine a été pendant longtemps perçu comme l'unique foyer d'émergence de la civilisation chinoise, le seul endroit d'où auraient émergé toutes les institutions politiques et culturelles qui ont façonné la Chine. C'est un récit qui a contribué à renforcer une vision concentrique de la civilisation de la Chine en accentuant une distinction très nette entre le centre civilisé, le lieu d'origine de toute la civilisation, et les barbares qui entourait cette civilisation, qui habitait dans un lieu où on diffusait justement cette civilisation. Cette dichotomie entre la civilisation et la barbarie tient dans une formule célèbre qu'on retrouve à toutes les époques dans l'histoire de la Chine, le célèbre Huayi Chufen, qui signifie la séparation entre les Chinois et les barbares. Selon le récit de la fleur centrale, qui aurait contribué à générer un important complexe de supériorité pour les gens qui sont au cœur de cette culture, la diffusion de la culture se serait graduellement répandue à partir d'un point milieu, à partir d'un milieu central, en allant toujours plus loin vers les périphéries de ce centre culturel et en transformant les barbares au contact de la civilisation. C'est un récit qui repose évidemment sur des données factuelles et c'est un récit qui n'est pas totalement faux. Mais ces deux stéréotypes, soit la filiation des institutions humaines avec une lignée mythologique et l'auto-glorification d'un centre civilisé qui se projette sur des populations jugées inférieures et barbares, c'est un récit qui a contribué à masquer d'importantes parties de la réalité historique au sujet des origines de la civilisation chinoise. Heureusement pour nous, d'importantes découvertes archéologiques ont eu lieu depuis le début du 20e siècle, et ces découvertes archéologiques ont aidé les spécialistes de tous les horizons qui étudient la Chine à remettre en question les prétentions totalisantes de ces récits anciens, en diversifiant et en élargissant de manière considérable notre compréhension au sujet des origines de la Chine. Avant d'explorer un peu plus en détail ce que nous ont révélé les documents archéologiques, retournons quelques instants en musique et d'abord à notre thème d'aujourd'hui qui est celui de l'enfance. Disons en premier lieu que si on tente de comprendre l'enfance, si on est capable de parler de l'enfance, c'est que ça signifie pour nous, si on est capable de représenter l'enfance, que nous ne sommes plus dans l'enfance, nous sommes dans le souvenir et dans le mémoire que nous avons de celle-ci. L'enfant, on le sait, vit sa situation, l'enfant vit sa journée, il ne la conceptualise pas, du moins, l'enfant ne devrait pas avoir à le faire. Quand on parle de l'enfance, comme nous le faisons, c'est que nous sommes dans le souvenir, au cœur de la réminiscence, dans le travail de la mémoire. Et bien sûr, il n'y a rien qui est plus approprié pour un cours d'histoire que d'être à l'écoute de cette capacité que nous avons à susciter et à faire jaillir en nous des souvenirs, comme les souvenirs de l'enfance. La deuxième pièce que j'ai choisie pour aujourd'hui, c'est l'expression parfaite de ce travail de la mémoire, qui se traduit parfois par l'évocation nostalgique de nos souvenirs. C'est une pièce de musique qui nous permet aussi d'introduire un autre instrument classique chinois incontournable, soit le pipa. Parfois surnommé le luth chinois, il s'agit de l'un des instruments les plus populaires de la tradition chinoise, dont les sonorités et la forme le distinguent clairement du guzheng que nous avons entendu la semaine dernière. La pièce choisie pour mettre en valeur cette nostalgie mémorielle s'intitule justement « Yi Tiangnan », soit « Les souvenirs du Tiangnan ». L'expression « souvenir du Tiangnan », c'est une expression qui est en soi très riche. Tiangnan signifie d'abord le sud du fleuve. Donc, c'est un concept qui sert à désigner les régions qui se trouvent au sud du fleuve Yangtze, aussi connu sous le nom de Changjiang. Le Tiangnan, c'est donc un lieu géographique qui est certes célébré pour sa beauté. Mais le Tiangnan, c'est aussi, dans l'histoire littéraire de la Chine, c'est une image poétique qui est très forte, qui peut évoquer autant le lieu qu'on y rencontre que les personnes qui s'y trouvent. Ça peut être le lieu duquel on vient, une terre natale pour laquelle on ressent une profonde nostalgie, ou encore un endroit magnifique qu'on aurait visité et duquel nous serions revenus transformés. L'évocation poétique du Tiangnan, ça peut aussi être un moment vécu, comme un coup de foudre spectaculaire, ou encore un idéal perdu qu'on chérissait. Le souvenir du Tiangnan, c'est ce qui nous rapproche le plus des racines du cœur, comme la mémoire des personnes et des lieux qui nous ont marqués, ou la nostalgie d'un amour profond auquel l'accès nous serait refusé. C'est ce genre d'évocation que nous proposent les souvenirs du Tiangnan dans la version présentée par Fang Qinlong, l'un des grands maîtres actuels du pipa. Voici donc Souvenir du Tiangnan, Yi Tiangnan, interprété par Fang Qinlong au pipa. Thank you. Nous venons d'entendre Yi Tiangnan, Mémoire du Tiangnan, interprété par Fang Qinlong, et nous reprendrons notre récit sur l'histoire de la Chine juste après cette pause publicitaire.